Donc avec Sylvain et Turian, on vient de terminer le troisième épisode de la campagne L'Ordre et le Sauvage. Donc l'épisode s'appelait Pourchassé par les écorcheurs. Et puis donc là on va débriefer à chaud. Voilà, c'est parti. Donc j'ai une première question pour vous, Sylvain et Turian, c'est comment ça va? De quoi avez-vous besoin? Ça va pas. Ah, tu fais pas la bonne Non. pub. Je viens de me faire ravager mon personnage. Voilà, a perdu quelqu'un d'hyper important, de central dans sa vie, quoi. Ça me fait un peu quelque chose Bah quand oui, c'était son alter ego. même. C'est ça. Donc, il va falloir absorber l'info. Je m'attendais franchement pas à ce que ça tourne comme ça. Ça allait très très vite sur la fin. Donc, ouf. Bon, ça va bien. Il y a 2 heures de ça, j'aurais répondu à autre chose. Mais dans, voilà, dans l'aventure, mon personnage, quand même, qui est ultra positif, a pu voilà, remonter dans son moral là, tout au long de l'aventure. Et la disparition du personnage de Ombre là, dans l'aventure. Finalement, ça la touche pas trop parce qu'elles n'étaient pas proches et qu'il y avait une espèce de défiance entre les deux. Donc, ça la rend Je trouve que c'est une triste. sorte de compétition affective, un Ouais, peu, je sais, il y a un truc comme ça, ça la rend triste ouais. vis-à-vis du reste du groupe. Et j'ai dit ton personnage, Torian, là, parce que du coup, ça la rend triste pour toi, mais ça. Mais pas pour. Pas Pas pour. que je Pas pour. respecte que je respecte dans son côté guerrier, etc. Oui, vous avez toujours une rivalité quand C'est même. ça. Ouais. Je regrette sa perte, ça ne m'attriste pas. Ça ne m'attriste pas, en tout cas, mon personnage. Voilà, moi, je vais bien. Tac. Voilà. Ouais, bah mon côté, ça va bien aussi. Je me posais pas mal de questions d'ordre, juste est-ce que je vais faire mon scénar jusqu'au bout et tout. Parce qu'en fait, au début, on a fait la chasse au Varou, qui était vraiment de la pure scène secondaire, parce que c'était en fait boucler un truc qui avait été amorcé au scénar précédent. C'était assez optionnel, mais comme ça avait l'air de vous intéresser, je me dis, bon, bah on va le jouer, quoi. Mais du coup, après, il restait vraiment plus beaucoup de temps pour jouer le scénar en lui-même, quoi. Donc je l'ai. Mais je suis content parce qu'en fait, on n'est pas passé à côté de trucs importants du scénar, quoi. Donc, il y a des moments où j'ai speedé, mais on a réussi à faire tout le scénar en une séance bien, quoi, sans trop perdre de qualité. Et bon, après, il y a plein de scènes secondaires que j'ai pas fait jouer, quoi. Mais je préférais faire ça parce que, comme on a du mal à se réunir souvent, quoi. Je vais essayer autant que possible de faire une séance, un scénar, quoi. Du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que y a une scène que vous voulez nous remettre en mémoire, une scène qui vous a particulièrement marqué? Pardon. Alors oui, la scène de la chasse au Varou, Oui, important. voilà, l'affrontement de mon personnage qui se fait posséder par un de ses ancêtres, qui désire absolument la tête de cette de ce de Du ce Varou, ouais. de ce loup-garou mort-vivant, de ce loup sorcier mort-vivant, le fait que ça surprenne l'équipe, hein, que voilà, pour une fois je sois un peu contre et avec des envies égoïstes, et que ce personnage est prêt à aller à l'affrontement et que ça se termine forcément en drame avec la destruction de l'objet convoité par tout le monde et finalement ça ne rime à rien. Voilà, la scène effectivement où la tête se déchire en deux et on se prend une vague d'égrégore parce qu'on s'est disputé comme des chiffonniers le reste de son cadavre. Voilà, ça c'était voilà, très sympa. Visuellement, je le vois très très très bien. Puisque je jouais SND, ce qui est intéressant, c'est que le truc des Korax, donc tu joues un Korax, enfin une Korax, qui ont accès à la mémoire de leurs ancêtres, c'est pas le truc que j'ai le plus réussi à exploiter dans ma carrière. De niveau là, et là je trouve qu'on l'a bien exploité en trouvant cette idée là de en fait, en gros, tu peux te faire posséder, enfin, tu peux parler à la mémoire de tes ancêtres comme si c'était des vraies personnes, voire même ils peuvent te posséder, quoi. comme si la mémoire avait une sorte de volonté propre et tout, qu'un ancêtre c'était une personnalité, non pas juste un amas de souvenirs, quoi. Donc ça c'est intéressant, puis je pense qu'il y aura encore des choses à creuser par la suite, quoi. Et si la mémoire, enfin, c'est une espèce de mémoire morte entre guillemets, et le fait de la solliciter la rend vivante, enfin, elle a aussi la volonté de transcender les barrières et de se dire, bah, puisque tu m'as réveillé, moi je viens de voir. Enfin, c'est pas que moi qui vais toquer à la porte, hein, eux aussi viennent toquer à la porte. Ouais, c'est ça, du coup les mémoires ont ont des ambitions, des désirs, elles vont sans doute agir sur toi, quoi. Puisque effectivement, tu avais été possédé par une de tes mémoires, quoi, pendant toute une scène. Je sais pas si t'es venu. Bah voilà, forcément la scène de fin là, je me suis mon personnage, puis du coup oui, un peu en tant que joueuse aussi, sentie complètement dépossédée de tout pouvoir de décision après avoir pourtant j'étais ok sur Ouais, la d'ailleurs, planification de la fuite. comment je m'en veux parce que sur ce final, je pense que j'ai oublié de vous dire, non mais en fait, si ça vous convient pas comme ça, lancez les dés, quoi. Non, mais non, je pense pas que je regrette pour Ouais. autant. Je m'y attendais pas. Ouais. Mais j'étais ok avec. Non, j'étais ok avec le principe. C'est bon, bah, pas de bol. Hein, c'est les dés qui me fait ça. Non, je vais pas dire que c'est de ta faute, mais même si je te le ressortirai, mais c'est pas Ah de bah ta je l'ai faute, fait. Sylvain. Ouais, parce qu'en fait on a lancé les dés, mais pas pour faire un conflit, mais pour tirer au hasard C'est qui ça. se faisait rattraper C'est par les ça. écorcheurs, quoi. Donc c'est tombé sur Tout à ombre, fait, ouais. c'est tombé sur ombre. Mais en effet, ce qui nous a amené jusqu'à ce tirage au sort, c'est j'étais d'accord. J'étais d'accord avec ça. Ça me semblait logique. Je voulais tenter la chance. Pas de bol, en effet, c'est tombé sur ombre. Donc ouais, en effet, cette sensation de plus rien maîtriser et ça tombe du coup ouais Après, ce qui est intéressant, sur c'est que ombre. t'as récupéré quand même un petit peu de libre arbitre à la fin, parce que t'as dit, en fait, je veux pas qu'elle se fasse tuer par les Ouais. écorcheurs, donc je la dissous avant qu'il la tue, quoi. Tout à fait. Même si en effet ça me fait des conséquences peut-être pires. Ouais, bah responsable. Bah finalement, oui, Bah c'est oui, ça. C'est une façon de récupérer le. C'est comme une tu te façon de prends le reprendre choc le mental et contrôle. le souvenir, là, t'es Ouais. ultra consciente Tout à que fait. c'est toi qui la tue et que Ouais. c'est pas eux, quoi. Mais je l'avais créé en effet. Donc je pense que ça va remettre en question pas mal de choses pour mes persos. Bah ça. Enfin. Je trouve que ça va faire certainement un départ aussi assez riche quoi, Ouais. Et il y a d'ailleurs une pour question passer qui se cette pose, scène. c'est même est-ce que tu essaieras de recréer une ombre? Parce qu'en théorie, ça doit être en ton pouvoir de refaire une ombre, mais Mais est-ce que est-ce que je le tu. referai? Ah, c'est ça, ouais. Et je pense que à force de m'occuper du petit Varou qu'on a trouvé, du bébé Varou qu'on a trouvé, je te laisserai pas faire du bébé Varou une ombre. Mais Je voulais l'utiliser ou alors ça se discute très comme très quoi franchement, on n'a qu'il pas le temps ça là, mais ouais. Du coup moi j'ai pas dit de scène en ce qui me concerne ouais, quelle est la scène que tu as préférée peut-être? ouais je fouille un peu dans ma mémoire Avec les petits vieux, genre ce le philosophe. petit vieux mais en fait que ce soit le petit vieux ou que ce soit les petits vieux, la confrontation avec ouais, surtout la confrontation avec le renard ou même la confrontation avec. Alors, j'ai pas expliqué, donc du coup, vous aurez l'explication plus tard, mais en fait, la nana que La vous avez femme trouvée dans le avec camping-car, l'enfant. en fait, c'est une strige. Alors, c'est quoi une strige? En fait, c'est une corax sans être une corax. C'est-à-dire que c'est une humaine qui peut se transformer en corbeau. Donc vous la verrez se transformer en corbeau, enfin voilà, elle Bah, peut je le la sentais, faire. la femme oiseau, Mais ouais. elle a une intelligence de corbeau, elle n'a pas une intelligence humaine, donc elle ne Humaine. peut pas parler l'humain. Est-ce Et que ce enfin. serait pas plutôt un corbeau qui se transforme en humain, alors? Oui, c'est un peu le fou la poule, entre guillemets, ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est un corbeau qui se transforme en humain, mais qui garde voilà, Bah, c'est un une corbeau, cognition quoi. de corbeau, quoi. Ouais, ok. Voilà, de même que son enfant, quoi. Et donc ces scènes-là, elles étaient intéressantes parce qu'en fait, vous avez pris des décisions que je n'avais pas eu l'habitude de voir dans les tests précédents. D'accord. Donc c'était cool de voir que vous avez géré les choses différemment, quoi. Ça m'a obligé à m'adapter et tout, donc c'était bien. J'ai failli sur la fin quand même. Le goupil, t'as failli te le faire, non? Alors, les goupilles, je vais me le faire, ça m'a fait plaisir. Ouais. Mais Il t'a dit non, je laisse l'ours gérer. je pense que le personnage d'Erin, il arrive à un moment donné où il va vouloir défendre ses valeurs. Alors, il y a le fait que sa vie en tant que Korax est courte et qu'elle tient à la préserver, parce qu'il faut qu'elle engrange un maximum d'informations de par la voie de l'extase qu'elle suit. Et donc, elle veut se montrer courageuse, mais pas trop. Mais en même temps, elle a bien envie de rentrer dans l'art de ceux qui mériteraient de se faire rentrer dans l'art, notamment les écorcheurs. Je me suis dit, voilà, j'ai pas été suivi sur ce coup-ci, mais je pense qu'effectivement, en organisant une défense et vraiment en la jouant un peu tactique, elle espérait un peu emporter le morceau parce que s'ils avaient perdu 10 gars chacun, peut-être 20, eh ben, ça les aurait fait et réfléchir et abandonner et abandonner. Enfin, la mathématique, elle joue aussi. Pas que pour nous, elle joue aussi pour eux, parce que c'est aussi la crédibilité de Cramoisi, la chef de guerre de l'autre côté. C'est aussi, elle fait des discours comme quoi ils vont nous avoir, mais pas que. Enfin, à partir du moment où un certain nombre de gens se défendent, eux, ils vont s'épuiser. Et voilà, je comptais sur. Je comptais là-dessus. Mais je trouve que, en tout cas, le personnage, il prend du corps à vouloir essayer de défendre des valeurs qu'il est en train d'apprendre, qui changent au cours des épisodes. Hein. Oui, et puis après, c'est toujours compliqué quand on joue pas souvent. Il faut se remettre un peu Et le puis personnage dedans, en ouais. tâche. Je pense qu'il y a un moment, tu l'as dit toi-même, ton personnage, tu l'as un peu perdu de vue, tu lui as fait avoir des réactions. Après, tu dis, ah oui, mais non, en fait, c'est pas dans son caractère de réagir comme ça C'est et ça. tout. Je pense que je me suis marqué en grand là. Elle est ultra positive. Elle est pas négative. Elle est pas. J'étais un peu surprise que tu prennes autant aussi de décisions. Et ton personnage avant était un peu plus effacé aussi. Mais je pense que c'est de sa construction en tant que telle et que ça reflète sa construction. Qui Après, s'affirme, bon, quoi. les événements se bousculent, donc c'est normal que les personnages évoluent Ouais, tout à même fait. très vite, hein. Puis j'en ai marre de me faire bolosser par les mêmes trucs aussi. Donc à un moment donné, je pense que le personnage réagit parce que On réagit à ça. à un moment donné, effectivement, elle ne va pas faire que subir. Et notamment vis-à-vis des écorcheurs, la dernière fois, elle a réagi. Donc je pense qu'elle se doit de réagir vis-à-vis des écorcheurs, systématiquement. Et qu'elle n'ira pas dans le sens de la négociation. Elle ira dans le sens de leur rentrer dedans. Et donc la dernière question, c'est si vous deviez. Alors c'est un peu une question d'où vous répondez comme ça arrange, mais c'est un peu si vous deviez le refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment, quoi? Est-ce que vous auriez essayé de faire un autre truc différent avec votre personnage ou comment vous. C'est pas avec les choix du Genre, personnage, est-ce qu'il y a une peut-être. décision. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une décision que vous auriez été curieux de voir ce qui serait passé si vous avez pris une décision différente, en gros, quoi? Je me suis rebondi avec la question de tout à l'heure. Moi, je pense que si le groupe avait dit pourquoi pas, on se la donne, on se bat pour ne pas fuir, j'aurais été curieux de voir les conséquences mathématiques sur qui vit, qui meurt. Mais aussi sur le choc moral que ça aurait fait porter à Erin. Alors concrètement, bon, comme la solution, j'ai pas y réfléchi plus que ça parce que la solution a été écartée, quoi. C'est pas une solution effectivement qui est prévue dans le scénario, ce truc d'affronter et tout. J'avoue, je sais pas comment ça se serait passé. Peut-être même que j'aurais demandé de faire au dé, parce que du coup, il y avait deux. À mon avis, il y a de ça, il y avait deux issues possibles. Soit c'était, en fait, peut-être au prix de quelques pertes, ils vous capturaient et du coup, vous étiez enrôlé de force. Bah Ou oui, genre alors, les survivants justement sont forts, donc on les garde, ouais, c'est mais ça. Ou ouais, ils alors, sont enrôlés de ils vous force. tuaient. Il semblait que les deux étaient probables, quoi. Oui, que ça s'arrête là. Et du coup, je pense qu'on aurait fait au dé, mais même là, ça aurait pas été hyper. Satisfaisant. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que j'aurais utilisé les dés en disant, bah, vous me dites ce qui se passe si vous réussissez les jets de dés. Donc là, vous pouvez avoir la fin la plus classe que vous vouliez, quoi. Genre, on les tue tous et nous, on s'en sort bien et tout. C'est juste pas possible. Mais si vous ratiez, je pense que je sais pas quelle défaite je vous aurais infligé. Ah, Elle annonçait qu'il était sans deux je sang. pense que, en fait, si je vais être. Je pense que dans l'idée de sauvegarder ma campagne, j'aurais. Ouais, mais on T'aurais aurait trouvé trouvé une un truc. explication, genre la magie ou je sais pas quoi et tout. Vraiment, Mais ouais, je pense que je vous aurais pas tué, je vous aurais capturé parce que pour Mais sauvegarder ma campagne, tout c'est simplement. ça. Même au-delà de ça, je pense vraiment qu'en termes de gestion de troupes, à partir du moment où tu as 10% de pertes, ça devient problématique dans la gestion de ta troupe, dans ta logistique, dans ton, dans ce que tu peux faire au Non, mais il y fur et à avait des mesure. scènes de western intéressantes comme ça où je sais plus c'est quel western, mais c'est vraiment il y a je crois qu'il y a, il y a cinq pistoleros qui viennent C'est quoi cette personne qui parle? je sais plus quel film. Bah, il y a cinq il y a des pistoleros en surnombre qui viennent défier le ou les héros, je sais plus, enfin ils sont en surnombre. Et ils disent voilà, on va vous casser la figure, on va vous tuer tout ça. Enfin, il commence à sortir les flingues et puis le héros fait ok, c'est sûr vous allez me tuer. Mais en fait, et puis il montre, toi tu seras mort, toi aussi, quoi. Et puis là, il dit ok, ouais, non, finalement on va pas le faire, quoi, on va pas y aller. Donc ça aurait pu schémar, quoi. Un petit juste semblant, on aurait pu lancer les dés aussi pour dire en fait, si vous réussissez le dé, votre coup d'intimidation il marche, et puis il vous laisse partir en mode bah non. On va pas tenter l'affrontement et Ouais. puis perdre, comme tu le dis, 10% de Ça nos marche. hommes, ça vaut pas le coup, quoi. J'ai tenté de le faire au Ouais, bluff, j'ai pas été suivi par les. ça roule. Du coup, je te posais la question aussi à Turian. Est-ce que est-ce que tu es curieuse de savoir ce qui serait passé si tu avais pris un autre embranchement à un moment, quoi? Oui, à faire un autre choix. Ouais. Bah là, sur la toute fin. Genre Franchement, de. j'hésitais vraiment. Est-ce De que. la suivre, Ouais, la suivre ombre. suivre par amour. Après, je me suis dit. J'aurais été. Ouais, éventuellement, j'aurais été curieuse de savoir qu'est-ce que tu aurais fait du coup de mon personnage si j'avais dit Bah, je je la pense que si suis. on suivait la procédure en narratif pur, bah, t'aurais juste assisté à sa mort, quoi. Ouais, c'est Et ça. puis peut-être que des PNJ, enfin, les autres t'auraient tiré en disant ça vaut pas le coup, enfin de. Ah, elle s'est sacrifiée pour toi, donc c'est un peu Vous stupide, m'auriez reste pas sauvé planté malgré là, moi, quoi. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un truc comme ça. Après, t'aurais pu aussi lancer les dés pour changer le destin, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment important que je vous rappelle, parce que c'est un truc qu'on oublie à temps. Moi, par défaut, j'ai une résolution en narratif pur qui est assez cruelle, tu vois. Et c'est, grosso modo, c'est on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Et même si vous avez des bonnes idées, enfin, c'est. Ça suffit pas à sauver le groupe de tout, quoi. Et en fait, quand vous voulez vous assurer une victoire parfaite, il faut lancer les dés, quoi. Mais c'est entre guillemets, c'est à vous d'y penser, mais bon, c'est quand même bien que je le rappelle autant que je peux, quoi. Sachant qu'après, c'est qui tout double, quoi. C'est que si tu décides de lancer les dés et que tu rates, l'issue, elle est pire, quoi. Ouais. Bon, je pense que c'est pas mal comme débrief, hein. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, Très déjà bien. en prochain numéro. Yes. Prochain numéro, du coup. Donc, pour information, si vous étiez parti chez les écorcheurs, il y a un scénar dédié à Le ça. cercle. Le scénar chez les écorcheurs. Chercheur. Mais du coup, là, vous avez décidé Comment faire? de vous enfuir et donc vous allez faire un scénar à Normandferrand. Voilà, donc ce sera la suite.